Alors, un monstre nous habite. Quand on dit un monstre vous habite... Mais c'est plus juste. C'est qui le vous? Vous autres. Le vous, c'est... C'est vous autres. L'âme, l'ego, l'esprit, le corps. C'est ça. Tous ensemble? Dans l'Antiquité, à un moment donné, inconditionnellement, l'inconscience de l'humain ou la conscience collective avait détecté que l'humain était pluriconstitué, que l'humain n'était pas une unité, que l'humain était une pluralité. Et c'est pourquoi, lorsque des parties constituantes de l'ego des rois, entre autres, et des nobles, ont été nourries par la puissance, par l'adoration, par la vénération du peuple face à eux, chaque partie de l'ego voulant se faire nourrir, ils ont tous crié ensemble. Et à un moment donné, le roi a commencé à exiger que le peuple dise « vous » et non pas « toi, tu ». Et à la longue, c'est devenu une marque de politesse en ce sens que lorsque le peuple s'adresse à toutes les constituants d'un ego, aux plusieurs parties constituant l'humain, eh bien, on parlait à toutes les parties du roi ou à toutes les parties des nobles, donc on disait « vous ». « Bonjour, comment allez-vous? » »« Vous, toute la gang. » Et étant donné que le peuple est une conscience qui copie, qui plagie, qui a toujours essayé de mimétiser les nobles, les aristocrates, lentement, c'est devenu une marque aussi dans le peuple de se vouvoyer parce que c'était comme être noble, donc c'était de la politesse, apparemment. Pour se dégager de ça, lentement, les rois ont commencé aussi à dire « nous, nous avons faim, nous voulons sortir ». Mais c'est effectivement toute la gang, toutes les parties constituant l'humain qui demandent une chose. Alors, lorsque nous avons cette marque de politesse qui est le « vous », c'est qu'on s'adresse à l'humain. Bien souvent, dans les relations que j'ai avec certains individus, ça peut arriver que je tutoie un être humain parce que je m'adresse uniquement à une partie de lui. Et lorsque je vous vois, c'est que je m'adresse à la globalité ou à un paquet d'éléments de l'humain. Alors, quand on dit « un monstre vous habite », évidemment, ça peut vouloir dire « vous collectivement », donc c'est chaque corps physique, plusieurs corps physiques, donc « vous », pluriel. Et ça peut aussi vouloir dire « différents constituants d'un être humain », encore une fois pluriel, mais limité dans une unité biologique, dans un corps physique. Dans ce cas-ci, ça s'applique aux deux? Non, dans ce cas-ci, ça s'applique uniquement à la quantité de corps physique, donc à la collectivité d'humains. Monstre vous habite, autrement dit, un monstre t'habite. Un monstre habite quelle partie de nous? Bon. On peut, du point de vue de l'intelligence, dire un monstre t'habite. Dans la réalité planétaire des choses, c'est qu'on dit « un esprit m'habite ». Étant donné que l'être humain s'identifie à ce qu'il y a de plus bas chez lui, c'est lui le monstre, nécessairement il dit « mon âme est immortelle, je veux sauver mon âme ». Mais il ne se rend pas compte qu'il est l'âme. Et il parle aussi de son esprit, comme il va parler de son Dieu ou de son Père, Père Céleste. Mais il ne se rend pas compte non plus qu'il est la chose, qu'il est l'objet. Lorsque nous disons « un monstre vous habite », lorsque moi je parle d'un monstre, évidemment je parle du virus. C'est exactement comme lorsqu'une personne qui comprend les choses à partir d'un point de vue très limité, le point de vue planétaire, et qu'elle me dit, cette personne, « oui, mais M. Kim, vous n'êtes plus humain. » C'est un compliment. Et justement, le monstre, c'est l'humain. C'est tout le reste. C'est-à-dire que dans l'humain, si tu élimines l'intelligence, et dans la majorité des corps humains, il y a peut-être 5% d'intelligence, parce que l'on veut être diplomate, je ne parle pas de l'intellectuel, c'est la capacité de vomir sa mémoire lorsque c'est nécessaire. Non, je parle d'intelligence, la capacité de savoir une chose avant de l'avoir apprise, lorsque c'est nécessaire qu'on le sache. Et si on élimine l'intelligence de l'humain, donc si on élimine à peu près pas grand-chose chez l'humain, ce qui reste, c'est le monstre. C'est celui qui va tuer, c'est celui qui va jouer avec les énergies vitales dans la sexualité, c'est celui qui va manger uniquement pour se gaver, c'est celui qui se met en colère, c'est celui qui gueule contre la température, c'est celui qui a peur le soir qu'une étoile lui tombe sur la tête, c'est celui qui ne comprend pas le phénomène de la mort, même s'il passe son temps à espérer une vie éternelle, c'est celui qui veut être immortel et qui s'ennuie le soir, c'est finalement l'humain. Et quand on dit oui, mais c'est humain, ben c'est ça. Dans le 95%, ça inclut pas le corps physique? Oui. Le corps physique fait partie de la densification. Le corps physique fait partie des limitations de l'intelligence. Mais le 95%, le corps physique, c'est-à-dire, lui, on ne peut pas s'en débarrasser comme ça le matin? Non, on ne peut pas se débarrasser du corps physique. Mais s'il y avait du monstre. S'il y avait juste le corps physique, l'esprit, pas d'âme, on aurait déjà un bon bout de fait? On aurait un bon bout de fait. Mais il resterait encore un monstre. C'est-à-dire que lorsque le système endocrinien est mort, le se met à jouer des hormones lorsqu'il voit une femelle, eh bien, ça nuit à l'intelligence. Qu'est-ce qui contrôle le système endocrinien du mâle? Est-ce que c'est l'âme ou si c'est le corps tout seul? Non. Il faut comprendre, premièrement, qu'une part du système endocrinien est ce qui permet les relations entre l'énergie plus subtile que le corps physique et le corps physique lui-même. Donc, le système endocrinien, c'est par là que va s'exprimer toutes les formes d'émotions que va connaître l'âme et l'ego. Mais c'est aussi la relation qui va obliger des corps physiques inintelligents à préserver la vie et à vivre d'une certaine façon dans un socialisme, un collectivisme grégaire, un troupeau. Donc, s'il n'y a pas d'âme et s'il n'y a pas d'intelligence dans un corps physique d'homme ou de femme, ça ne change rien lorsque la femme va être en chaleur, le bonhomme va bander, va courir après, puis ça ne va pas créer. Pas besoin d'avoir d'intelligence pour ça. La problématique, c'est que lorsque l'intelligence commence à investir le corps physique d'un homme ou d'une femme, le corps physique, continuant à être assujetti à l'évolution de l'animal humain, va nuire. Parce que lorsque la femme ou lorsque l'homme ont certains contacts avec l'intelligence, lorsqu'ils ont un certain déploiement de leur conscience, lorsqu'ils ont une certaine forme de vie, d'évolution à faire, et qu'ils sont totalement limités par le système endocrinien du point de vue sexuel ou encore par d'autres phénomènes, eh bien, nécessairement, ça crée un problème. Lorsque pendant la vie, l'être humain voit des choses qui viennent obliger le corps physique à sécréter la peur ou à sécréter l'angoisse, bien encore là, l'intelligence doit prendre des parties de ce qui la constitue, l'humain dit de l'énergie, pour pouvoir raisonner le corps physique et la problématique de l'âme et de l'ego qui, elle, se sert du système endocrinien et en contrôle une grande partie dans l'expression de ce qu'elle est, l'âme, eh bien, l'intelligence doit maintenant raisonner l'ego, que ce qu'il vient de percevoir dans le corps physique n'est pas une situation astrale, une situation égoïque ou amique, mais c'est uniquement une situation physique. Autrement dit, lorsque le bonhomme voit une bonne femme et que, endocrinalement, le corps physique décide de faire d'équitation, eh bien, l'intelligence doit dire au bonhomme que c'est pas le temps. Et étant donné que l'astral lit les sécrétions endocriniennes, il va lire l'érection, il va lire la transpiration, il va lire la tachycardie, l'accélération cardiaque, il va lire des choses comme ça. L'ego, il s'imagine immédiatement que c'est lui. Alors, il fouille dans ses mémoires expérientielles et là, il commence à visualiser des choses qui ne font que rempirer le problème. Et si la femme se fait toucher convenablement, le système endocrinien se membrane aussi. Automatiquement, la psychologie est avertie. La psychologie est avertie, elle croit que c'est elle qui vit cela. Croyant que c'est elle qui vit cela, nécessairement, elle se merveille dans les mémoires expérientielles pour reconnaître ce qu'elle vit. Ce qu'elle vit, c'est quelque chose qui est une synergie. Donc, la bonne femme et le bonhomme finissent couchés. Et il devait méditer, peut-être. Oui. Mais ça s'applique aussi bien à manger du gâteau au chocolat, puis à prendre un café, à faire des choses qui seraient pas nécessairement bonnes pour le corps physique, mais agréables pour certains égaux. Hey, on parle encore une fois des monstres. Qu'est-ce qu'il y a de plus monstrueux que de faire quelque chose contre nous? Donc, un monstre habite la planète Terre, ça s'appelle l'humain. Le surmonstre, c'est lorsque dans l'humain, il n'y a pas d'intelligence, c'est l'animal humain. Et ça, c'est 99% des habitants de la planète qui ont de temps en temps des contacts avec leur intelligence, mais qui, plus souvent qu'autrement, ont des contacts avec les forces d'involution, des contacts avec l'anti-homme, des contacts avec l'antifemme, des contacts avec les ancêtres, des contacts avec les dieux. Bref, les contacts avec les mémoires de l'involution, les mémoires de la fusion, les mémoires de ce que l'humain appelle la chute. Si je suis un égo qui aime aller jouer au golf, c'est pas nécessairement intelligent aller jouer au golf, mais ça peut faire plaisir. C'est pas nécessairement inintelligent. Mais dans un monstre, si c'est un monstre, c'est un monstre qui va aller jouer au golf ou si c'est l'égo? Ou si c'est le corps, ou si c'est pas l'esprit qui va me dire d'aller jouer au golf? Ben oui. Dans quel sens? Si ton corps physique a besoin de relaxation, si ton ego a besoin de lâcher un peu la bride au corps physique, et la seule façon pour que cela se fasse, pour que ton ego aille taper sur une balle et la rentrer dans un trou, nécessairement l'intelligence peut te permettre d'aller jouer au golf. Ça peut être extrêmement intelligent d'aller jouer au golf. Ça peut être intelligent en affaires, ça peut être une relation familiale qui va permettre une harmonisation à travers les relations entre les égos. Et ça peut être aussi un problème totalement égoïque. Tu abandonnes tout le reste du monde pour aller taper cette petite balle. Ben là, nécessairement, c'est un problème qui est dangereux. Ça veut dire que ça dépend toujours dans quelle mesure on se fait plaisir. C'est-à-dire que si tu n'as pas d'ego, si tu n'as pas d'âme, ou si l'âme que tu as, pour quand on dit on n'a pas d'âme, l'âme qui reste chez une personne qui est en fusion avec son dométhérique, chez une personne qui est totalement égoïsée, donc qui n'a plus d'ego, l'âme qui reste, c'est le périsprit, c'est de l'énergie vitale, l'enveloppe constituante même du dométhérique qui va rendre l'homme immortel du point de vue de sa conscience lucide, et c'est une âme pure. Quand je dis il n'y a pas d'âme, je parle, il n'y a pas d'âme colorée, pas d'âme émotive, il y a une âme pure. Alors si tu as une âme pure, tu ne joues pas au golf, tu ne vas pas chez McDonald's, tu ne vas pas voir de film, tu n'écoutes pas de musique, tu ne fais pas l'amour sauf pour procréer, si nécessairement tu n'as pas fusionné ton double éthérique, parce que dans ce cas, tu es immortel, la procréation étant la seule garantie de salut réincarnationnel chez l'humain mortel, donc évidemment, si tu as fusionné ton double éthérique, tu es de toute façon stérile, et tu ne fais plus ce que l'humain fait. Tu ne dors plus, tu ne manges à peu près plus, à un moment donné, tu ne mangeras plus non plus, tu continues à respirer par contre. Et bref, ce que l'humain, 80, or, presque 100% des dépenses énergétiques et financières de l'humain font partie du passe-temps, c'est-à-dire que les goals s'arrangent pour passer le temps. Même la majorité des gens qui vont se déplacer pour une conférence viennent passer le temps. Nécessairement, ils se font avoir, comme il y a beaucoup de choses que l'humain va faire pour passer le temps où il se fait avoir. Il va jouer au hockey pour passer le temps. Il se fait avoir en ce sens qu'il met son corps physique en santé, ce qui est déjà une chose intelligente. Et il vient à une conférence, énergétiquement, il va se passer les choses. Pas juste au niveau de la parole. Si tu vas jouer au hockey, c'est un exemple qui me plaît, tu vas jouer au hockey dans le but de mettre ton corps physique en forme. Ça, c'est intelligent. Alors, tu ne joues pas au hockey. OK. Je comprends. Ça veut dire qu'un monstre, c'est un monstre dans la mesure où on fait des choses qui nous arrêtent de faire des choses intelligentes. C'est-à-dire qui nous occupent, qui nous font passer du temps autrement que dans des choses intelligentes, sans but, sans raison de le faire intelligent. Il y a des guerres depuis que l'humanité a une arme. Il y a de la jalousie depuis que l'humanité a une arme. Il y a la violence, il y a les viols, il y a les meurtres, il y a les colères, il y a la souffrance, les tortures, il y a le vol, le désir, il y a la cupidité. Il y a en même temps d'autres phénomènes qui sont totalement évolutifs, mais qui paraissent mieux. Il y a par exemple la compassion. Il y a le fait de souffrir pour un autre. La souffrance, c'est quelque chose d'involutif. C'est pas quelque chose d'évolutif, la souffrance. Alors, si tu souffres pour les autres, tu es dans une phase d'involution. Alors, au lieu de s'en sortir, ben on va broyer toute la gang ensemble, mais ce n'est pas l'idée. C'est comme le prêtre qui mange les fidèles de venir prier parce qu'il y a eu un ouragan. Mais pendant ce temps-là, les impies rebâtissent le village. Bon. Et puis, on prie pour leurs âmes. Bon. L'animal humain, le monstre en question, l'anti-homme. Moi, j'appelle cela un anti-homme. J'ai suffisamment de respect pour certains mots qui, présentement, ont une consonance émotive à l'intérieur de la conscience des humains, comme le mot homme, le mot femme, le mot enfant. Il est évident que lorsque je parle d'animal humain, j'observe l'humain, et l'humain est quelque chose d'absolument formidable, c'est de la matière physique qui est capable de recevoir de l'intelligence. Donc, nécessairement, c'est extraordinaire, c'est génial, c'est parfait. La problématique, c'est que lorsque l'on observe cosmiquement ce que est l'humain, ça va. C'est de la matière luminescente, de la matière qui peut être éclairée, c'est de la matière qui a un contact avec de l'intelligence, c'est de la matière supramentalisable, c'est de la matière qui, présentement, est spiritualisée, mais qui un jour se libérera de la spiritualité pour aller chercher une connaissance, un savoir qui est au-delà de la spiritualité, qui, elle, n'est que la copie, la mémoire d'un passage de l'intelligence. Maintenant, lorsque l'on descend au niveau de la planète, on découvre ce qui se passe, ce que le monstre, l'anti-homme, ce qui est anti-toute évolution, c'est-à-dire que les traces et les contraniations qui ont eu lieu lorsque l'humain a été infusé, lorsque l'intelligence est devenue de la matière et donc finalement de l'humain, de l'animal, des végétaux, de la roche, sauf qu'à travers l'animal, le végétal et les minéraux, il n'y a pas d'évolution dans ces choses-là. Évidemment, il y a de la spiritualité humaine qui prétend que le minéral finit par devenir le végétal, il finit par devenir de l'animal, l'animal, à un moment donné, finit par devenir de l'humain, l'humain devient de l'ange, l'ange devient de l'archange, l'archange devient d'autre chose, jusqu'à temps que tu arrives à la droite de tout partout, c'est-à-dire à la droite du Père. Bon. Mais le minéral n'évolue que parce qu'il est corporifié par celui qui le mange. Mais le minéral n'évolue pas dans sa conscience. Donc, du point de vue spirituel, c'est faux de dire que le minéral va évoluer. Le végétal évolue parce qu'il est mangé par un herbivore ou par un omnivore. Et il n'évolue pas dans sa conscience. Il devient un corps plus évolué, jusqu'à temps qu'il redevienne des matières fécales et qu'il redevienne d'autres choses. Mais il n'évolue pas dans sa conscience, il n'a pas de conscience. Le végétal a une âme à peine, c'est simplement la mémoire du corps de la plante qui est un corps qui a un corps vital qui permet la croissance, qui retient une similitude d'émotion, mais ce n'est même pas de l'émotion. La plante ne souffre pas. Il y a des réactions vitales au niveau de la plante qui sont décodées. Lorsque je brise une plante, la plante jouit peut-être et sur mon électroencéphalogramme, je verrai des réactions. Et je dirai, regarde, elle souffre! Parce que moi, l'animal humain, lorsqu'on brise mes enfants, la réaction que j'ai, j'appelle cela souffrance. Dans la jouissance de la plante, de voir qu'on détruit l'extérieur autour d'elle, nous allons considérer que c'est de la souffrance, alors qu'elle jouit. Parce qu'une plante, on a fait des expériences aux États-Unis, dans d'autres pays, où une plante était capable de reconnaître le meurtrier. Le meurtrier, bon, il y a un bonhomme qui s'était fait tuer, et on a fait passer un paquet de personnages qu'on avait arrêtés, des personnages bidons, des personnages placebo, Et on a essayé simplement de placer une plante pour détecter, voir si elle reconnaissait quelqu'un. Et celui que la police pensait être le meurtrier, ben c'est à celui-là que la plante a joué le plus. Mais on appelle cela souffrance, parce qu'on est convaincu qu'une plante, c'est l'émotion. L'émotion, tout le monde sait c'est quoi l'émotion. L'amour, il n'y a pas 25 sortes d'amour, il n'y a qu'une amour. L'amour! Celle qui fait souffrir, celle qui rend l'animal encore plus animal, celle qui crée les guerres, celle qui crée les meurtres passionnels. Dernièrement, j'écoutais un film, c'était hier, un film totalement... Enfin, c'était un film. Et on disait qu'il s'était passé des conneries, apparemment, dans l'humanité. On avait voulu construire une tour pour aller rejoindre le ciel, la tour de Babel. Et puis, il y a eu, bon... Et Dieu, dans sa juste colère... Bon, et on est rendu très bas. Adolf Hitler a dit la même chose. Quand, à un moment donné, les Juifs juifaient trop, mais dans sa juste colère, Adolf Hitler a décidé de les exterminer. Quand l'humain est animal, le monstre, qu'est-ce que c'est le monstre? Le monstre, c'est celui qui privilégie les conditions involutives en essayant de les transposer dans un contexte évolutif. Alors, l'humain qui essaie de s'en sortir, essaie de s'en sortir avec les épines qui l'ont amené à descendre. Autrement dit, l'individu, à un moment donné, se retrouve dans un lac d'eau. Il est entre deux eaux et il découvre qu'il descend. Sa vitesse de descente est proportionnelle au poids qu'on a attaché après ses chevilles et après ses mains. Et à un moment donné, il se rend compte qu'en gigotant, il ralentit. Et là, à chaque fois qu'il prend son poids et qu'il essaie de le lancer en haut, ben ça ralentit encore un peu sa chute. Ça l'accélère, puis ça le retient, puis le poids descend. Puis... Alors finalement, l'humain finit par considérer que si il est là, c'est à cause des poids. Alors, il ne veut pas perdre les poids. S'il perd les poids, il ne sera plus là. Il sera peut-être mieux en dehors de l'eau. Il a raison. S'il perd ses poids, il ne sera plus dans l'eau. Sauf que l'humain, présentement, considère que la création, c'est l'eau. Donc, perdre les poids veut dire ne plus exister. Quand je dis que l'animal humain est investi d'un virus, l'âme, qui est totalement chapeauté par un ego, l'identification suprême dans l'expérience planétaire qui est transmise par la réincarnation, ainsi que l'expérience de la naissance allée jusqu'à maintenant de l'humain, qui crée sa personnalité et son identité. Ça, c'est les poids. C'est l'anti-homme, c'est le monstre. Mais l'humain se dit toujours, oui, mais si on n'a plus, on n'a plus d'émotion, on va être quoi? On va être mieux. On va être libéré de la souffrance reliée à l'émotion. Si on n'a plus la vie, on va être quoi? On va être mieux, on va être libéré de la mort. Si on n'a plus la capacité de souffrir pour autrui, on va être quoi? Quand on va voir les Bangladesh, les Pakistanais ou ceux qu'on voudra souffrir, on va les regarder en disant « Tant pis pour eux! » Présentement, l'humain, il les regarde, dit « Tant pis pour eux! » Puis si on est capable de faire une publicité qui fait suffisamment souffrir l'humain, ben, il donne 20$ pour qu'on élimine la publicité à la télévision. Après ça, voilà. C'est là, ça reste « Tant pis pour eux! » Mais l'humain se dit « Ah, c'est correct! » Un bon chrétien, ça fait quoi? Un bon chrétien, ça l'aide les pauvres! Ah oui! Évidemment. Mais un bon chrétien, ça fait les croisades. Un bon chrétien, ça se bat contre les juifs, ça se bat contre les infidèles. Un bon chrétien, ça ne va pas voir les clochards, ça ne va pas voir les... Il y a différentes classes de bons chrétiens. Bon. Alors, finalement, tout ce qui chapeaute, tout ce qui sous-tend l'évolution actuelle de l'humanité, c'est une régurgitation de ce qui a amené l'humain dans l'état actuel de ses problèmes. 100% de ce qui a servi lors de l'effusion, lors de l'involution de l'âme, 100% totalement, est utilisé par le peu d'intelligence colorée qui habite l'humain pour qu'on puisse en faire un escalier. Nous avons pris à un moment donné un escalier qui descendait, et c'est un escalier mécanique qui nous descendait, qui nous terrestrifiait, qui nous refroidissait, qui nous densifiait. Et maintenant, nous avons décidé de remonter cet escalier à l'envers et au lieu d'inverser la marge de l'escalier, eh bien, on essaie de monter deux fois plus vite. Puis, à un moment donné, on rencontre quelqu'un qui descend, puis là, il nous ralentit, puis on descend avec lui, parce que quand on arrête d'évoluer, immédiatement, on évolue. Alors, on est dans le même escalier qui nous a toujours descendu, puis on essaie simplement, si on est assez en forme psychologiquement ou supramentalement, de le remonter à toute vitesse. Au lieu de se dire, tiens, je débarque, puis je prends l'escalier qui est fixe. Lui, il monte pas, il descend pas, c'est moi maintenant qui va choisir. Mais si c'est intelligent d'être intelligent, comment ça se fait que l'intelligence n'est pas assez intelligente pour nous faire comprendre tout ça par cœur? L'intelligence est assez intelligente. Tu n'es pas assez intelligent pour comprendre ce que l'intelligence veut amener. Mais c'est comme l'élève tout à fait con qui dit « Oui, mais si le professeur serait si bon, là, en 30 secondes, je comprendrais l'astrophysique. » Il est bien niaiseux. Oui, effectivement, c'est un point de vue. Mais le 5% d'intelligence, c'est pas suffisamment puissant pour se déloger l'ego lui-même, ou le pas nécessairement le déloger, mais... Alors, posons la question. Le 5% d'intelligence est-il suffisamment puissant pour faire quelque chose au niveau de l'humain? Combien d'individus présentement, à cette heure-ci, alors il est une heure particulière, qui est totalement fausse dans la création, à cette heure-ci, combien d'individus sont, sur les 5 milliards d'humains, à travailler sur une conscientisation qui devrait les amener à se libérer des contraintes du passé, des contraintes de la tradition, bref, des contraintes de l'humain? Sur la planète, sur les 5 milliards, il y en a combien? Je les compte sur une main, deux mains ou... Non, ça se compte sur plus que ça, il faut une calculatrice, ils sont quelques milliers, quelques dizaines de milliers. À cette heure-ci. À cette heure-ci, oui. Sauf que, combien maintenant d'humains sur la planète Terre passent plus de 12 heures par jour à se rappeler qu'il est autre chose que de la merde? Parce que l'humain qui passe son temps pour l'oublier son temps, celui qui a besoin de se distraire, il est pris par le monstre. Celui qui a besoin de se désennuyer, il est pris par le monstre. Il brûle sa vie à rien faire, à niaiser. Je ne dis pas que l'humain doit aller prier, celui qui va prier dans la phase d'involution. On prie pour cesse, je veux cesser de descendre. On prie jamais pour monter. Bon, alors, combien d'humains vont prier? Il y en a énormément. Celui qui écoute la musique, il est encore en train de perdre sa vie. Celui qui est en train de jouer au hockey, il perd sa vie. Celui qui entretient son corps physique, il gagne sa vie. Combien d'humains s'occupent réellement de ce qui doit être occupé? Alors, si on considère qu'il y a quand même à travers la matière planétaire animale humaine suffisamment d'individus, quelques milliers, c'est que l'intelligence fait quand même sa part de choses. Il faut comprendre que de l'australopithèque allé jusqu'à aujourd'hui, on est passé par l'australopithèque, évidemment, qui est encore à l'échelle de la planète l'animal le plus répandu, celui qui est relié aux forces astrales. Mais il y a maintenant suffisamment d'humains pour comprendre suffisamment d'intelligence pour commencer à s'écœurer de la vie. Hélas, l'antihomme tue, par l'intermédiaire d'armes tueuses, beaucoup de ses corps physiques. J'appelle cela un suicide, mais ce n'est pas un suicide, c'est un meurtre astralisé. Mais il y a en masse d'individus qui ont la capacité de plus en plus de lutter contre l'antihomme. L'intelligence, il faut comprendre une chose. Si tu prends une baguette extrêmement chaude puis que tu la descends dans la glace, elle va faire fondre un peu la glace jusqu'à temps que la glace cesse de fondre et que la baguette soit froide. Lorsque l'intelligence descend au niveau de l'humain, elle devient humaine. Lorsqu'elle devient humaine, le premier contact, l'humain a un sursaut, mais lentement, c'est digéré par l'humain. L'humain est légèrement plus haut, mais à travers l'humanité, à travers le monde de la mort ou les mondes de la mort, nécessairement, le peu d'intelligence qui descend est lentement refroidi. Et je le dis souvent, si l'intelligence descend au niveau d'un chien, elle va aboyer. Si elle descend au niveau d'un humain, elle va pouvoir parler. Sauf que l'humain doit maintenant comprendre différentes mécaniques pour améliorer sa structure biologique, vitale, s'anégoïser, améliorer sa structure de logifération mentale et développer son ajusteur de pensée. Il l'a déjà, le déconnecté du canal réincarnationnel, travailler le contrôle conscient de l'ajusteur de pensée, extrêmement important, et par la suite, avoir un contact avec l'intelligence d'une façon de plus en plus consciente où l'humain va cesser de se prendre pour tout ce qu'il n'est pas. L'antihomme. Mais l'antihomme, ça lutte, l'antihomme. Vous vous promenez quelque part, vous avez la paix, vous relaxez, vous êtes dans un parc. Vous êtes sur le Mont-Royal, pas grand monde, dans une petite forêt. Vous pensez à rien. Alors, pour la première fois ou pour une des rares fois, on cesse de penser dans votre tête, parce que l'humain ne pense pas, il pense qu'il pense, mais on pense, on le manipule totalement par la pensée. Il n'y a rien. Vous n'avez pas chaud, vous n'avez pas froid, vous marchez. Vous ne vous rappelez même pas du chemin que vous avez pris. Vous ne voulez même pas savoir où vous allez. Vous avancez, vous déambulez. Vous observez un écureuil, vous observez un Suisse, vous oubliez l'écureuil, vous oubliez le Suisse, vous voyez un jet bleu, vous regardez le jet bleu, vous continuez, vous avez oublié le jet bleu. Vous ne savez pas que vous vivez, vous ne savez pas que vous mourrez, vous ne savez pas que vous travaillez, vous ne savez pas que vous êtes chômeur, rien. Vous êtes quoi? Si l'animal humain vous observe et qu'il sait qu'il n'y a rien chez vous, il va dire, ah ben, c'est réveillé. Il est dans la lune. Sauf que vous êtes possiblement l'un des rares êtres vivants. C'est même plus un animal humain, c'est un être humain qui présentement habite la planète. Mais cela va durer combien de temps? Cela va durer jusqu'à temps que l'animal se fasse récupérer, que le monstre, que l'anti-homme réapparaisse. Et subitement, comme ça, pour rien, tout va bien, on s'en va, puis à un moment donné, on regarde l'heure. Et là, on se dit, ça fait assez longtemps que je suis à l'église, là, que je suis vivant, et bon, là, tout de suite, l'autobus, le ci, le ça, les problèmes peuvent revenir, et là, on découvre à un moment donné qu'il fait un peu plus froid, ben non, que c'est plus chaud, on commence à se plaindre. On va revenir, on prend l'autobus, on prend le métro, puis c'est bourré, bourré d'animaux là-dedans, ça s'en va d'un bord puis de l'autre. C'est des animaux humains, on peut constater. Mais ça, c'est les mémoires qui nous ramènent le c'est monstre. C'est l'anti-homme. L'anti-homme, est-ce que c'est les mémoires ou si c'est l'ego? L'anti-homme, c'est uniquement de la mémoire, c'est-à-dire que c'est l'agglomération de l'expérience de l'involution. Si de l'âme t'extrayait, on pouvait extraire toutes les mémoires émotives. C'est une âme pure. À ce moment-là, c'est pas un anti-homme. Il reste l'homme, il reste la femme, il reste l'enfant, c'est-à-dire qu'il reste des mémoires qui, eux, ont eu un contact avec le neuf, et ces mémoires sont totalement disponibles à accepter du neuf, et nécessairement, dans l'expérience involutive de la planète Terre, il n'y a que le passé pour servir l'homme. Alors que, présentement, dans l'évolution planétaire, il y a le neuf, l'intelligence supramentale, l'intelligence active, il y a l'esprit, la même chose, l'énergie christique, qui, elle, amène des choses neuves à lui-même. Et pour que l'homme accepte une peau neuve, il doit abandonner sa vieille peau. Sa vieille peau, ce sont les traditions, ce sont les mémoires réincarnationnelles, ce sont les mémoires traditionnelles, ce sont toutes formes de religion à l'échelle de la planète. C'est la croyance de salut dans l'extraterrestrialité, c'est-à-dire dans l'intervention extraterrestre. C'est l'élimination de la croyance de salut dans la résurrection, dans la réincarnation, dans le phénomène divin, dans le nirvana, dans toutes ces choses. Mais c'est les mémoires émotives seulement. Est-ce que les mémoires sans émotion sont correctes? On n'a pas besoin, on n'aura même plus besoin de ces mémoires. Pourquoi? Parce que la matière mémorise. On appelle cela les annales akashiques, la mémoire du temps. L'être humain, par son canal ajusteur de pensée, a la capacité, lorsqu'il est suffisamment anégoïsé, de lire l'expérience de la planète, donc de lire l'événement anémotif, sans émotion, de lire exactement ce qui s'est passé. Donc, il connaît dans sa conscience le début de la création aller jusqu'à maintenant. Et il connaît dans sa conscience, par préscience, le maintenant aller jusqu'à l'extermination, c'est-à-dire jusqu'à la résorption de la création. Il sait maintenant que tout est accompli et il sait que ce n'est qu'une question d'illusion, que ce n'est qu'une question de forme, et il apprendra à transcender, c'est-à-dire qu'il se déplace dans le temps et l'espace à la vitesse du déplacement matériel, c'est-à-dire que l'humain est confiné présentement à évoluer à la vitesse de déplacement de la matière dans le temps. Sauf que lorsque l'être humain se débarrasse de l'anti-homme, il a la capacité au niveau de sa conscience de se déplacer dans le temps sans se déplacer dans l'espace, ce qui lui permet de maintenant à immédiatement rejoindre l'espace-temps de l'humain conventionnel dans 4-5 000 ans. C'est-à-dire que l'humain a même la faculté finalement de se résorber lui-même de la création pour retourner dans les phénomènes extra-créationnels là où il est venu. Et qu'est-ce qui se passe là-dedans? On en parle de temps en temps dans des conférences spéciales, mais pas pour l'instant, pas ce soir. L'émotivité des égos est trop puissante encore chez l'humain pour qu'on puisse aborder d'une façon suffisamment claire et limpide ce que c'est qu'un univers sans création. En réalité, c'est même plus un univers. L'univers n'est plus là, mais il manque des mots. À un moment donné, ça devient un peu plus télépathique comme communication. Si on enlevait les mémoires, on enlèverait l'anti-homme, complètement. Si on ôte les mémoires, on ôte l'anti-homme. La seule chose qu'il y a, c'est qu'on ne peut ôter les mémoires si on n'a pas de conscience supramentale. Parce que si on ôte les mémoires d'un humain qui n'a pas de conscience mentale suffisamment personnalisée pour avoir un contrôle de l'ajusteur de pensée, qui lui permet d'aller chercher de l'énergie, l'humain appelle cela de l'information dans le monde supramental, donc au-delà du monde de la mort, si ces contextes ne sont pas atteints, si on élimine les mémoires d'un humain, on en fait un zombie, c'est-à-dire qu'on en fait un corps physique animé d'un corps vital, donc un corps physique vivant, sans âme, donc sans volonté, sans possibilité de manipulation par des phénomènes spirituels qui sont l'illusion de l'évolution dans l'évolution, alors on en fait un zombie, un mort vivant. Si l'humain, par contre, arrive à un déploiement suffisamment grandiose de son mental pour pouvoir comprendre la conférence que je fais et ce que je vais dire un petit peu plus tard, si l'humain a un mental suffisamment déployé dans sa conscience, si l'humain a une conscience lucide suffisamment grande, pour être capable de reconnaître chez lui ce qui est problématique de ce qui ne l'est pas, pour reconnaître chez lui les deux entités qui cohabitent, c'est-à-dire l'être, on peut appeler ça l'homme, la femme, et l'anti-homme, l'animal humain, le virus. Si l'humain a un mental suffisamment déployé pour être capable de reconnaître que cela est un fait chez lui, qu'il y a chez lui quelque chose qui fait et qu'il y a chez lui quelque chose qui fait totalement l'inverse, qui fait l'anti-évolution, si l'humain est capable de le reconnaître sans culpabilité, parce que si le mental le reconnaît avec la culpabilité, c'est que le mental n'est pas encore capable de se discerner de l'ego. Est-ce que ce ne serait pas à ce moment-là que c'est l'ego qui le reconnaît et non pas le mental? Non, le mental le reconnaît et instruit l'ego, parce que l'ego est un phénomène mimétisme, c'est-à-dire que ça copie tout ce qui peut passer par là, ça mémorise, ça expérimente. Le mental l'observe, l'ego est au courant, et l'ego va lentement développer une partie de lui-même qui sera la partie anti-anti-homme. Ça fait quand même partie... de fumer, il saillit parce qu'il fume, mais il a besoin de fumer encore, il devient irritable s'il n'a pas fumé, il devient en maudit s'il fume. Ça fait partie de l'illusion, du snobisme de l'évolution. Mais ça, ça t'amène pas vers l'arrêt de fumer? Non. Ça t'aide pas? Ça fait juste nuire. Tu vas arrêter de fumer lorsque ça va être le temps que tu arrêtes de fumer. Tu auras souffert pendant ce temps-là, c'est tout, au lieu de fumer allègrement. Tu as bien de jouir de la cigarette dans le temps qu'on fume. Ben, c'est aussi bien de ne pas jouir de la cigarette, ni négativement, ni positivement. C'est-à-dire que c'est aussi bien simplement d'intelligencer l'événement. C'est-à-dire que le mental doit prendre en considération que le présentement, je fume. Premièrement, fumer permet de terrestrifier l'ego, permet de diminuer le contact avec l'intelligence supramentale. Ça permet à l'humain d'avoir une meilleure conscience planétarisée. Ça permet à l'humain une meilleure efficacité dans l'événementiel actuel de l'illusion planétaire. Ça permet à l'humain de mieux supporter ce qui lui arrive. Mais nécessairement, un être humain qui voudrait avoir une initiation solaire, c'est-à-dire une initiation plus rapide, devrait jeûner, transpirer, cesser de fumer, cesser de manger des sucres, cesser de prendre toute forme d'alcool. Il ne prend même pas de la bière désalcoolisée. Là. Il ne parle pas de vous dans l'illusion. Il n'a pas besoin de ta bière pareille, mais il n'y a pas d'alcool dedans. Et cet humain-là va vivre des traumatismes terribles, il va vivre ce que l'humain appelle bien souvent une phase que l'alcooliste va connaître aussi, la phase où il doit revenir à lui, et de temps en temps, il peut passer par le délirium trimens, qui est une phase assez intensive de problématiques. Mais qu'est-ce que c'est? C'est simplement une désintoxication, c'est que l'humain, l'alcoolique qui se désintoxique, à un moment donné, voit la réalité, notre réalité qui est une illusion totale, mais qui est une réalité supérieure à la sienne, lorsqu'il est alcoolisé. Et le choc de cette vision avec ce qu'il espérait que c'était crée des problématiques totales jusqu'à un délire. Lorsque l'humain est en phase d'évolution, et il y a beaucoup d'individus de toute façon qui ont fait mon séminaire ou qui viennent de mes conférences, qui sont passés par cette forme de délirium trimens, un délire où tu finis par haïr tout ce qui existe parce que regarde comment il est manipulé, regarde comment il est manipulé, regarde comment il est laide, tu vois comment il est spirituel, tu vois comment il suit, tu vois les yeux qu'elle a pour regarder l'autre là-bas, puis etc., etc., qui est une forme de délirium d'évolution, qui est simplement le choc entre la réalité, ou du moins une vérité moins colorée, et la vérité acceptée, la vérité très colorée, celle que nous, en tant qu'ego, nous avons reconnue. C'est une projection qu'on s'était faite de ce qu'était la réalité. Bien, on espère que ça va être, puis finalement, c'est jamais ce qu'on pense. Pourquoi? Parce que le neuf ne peut pas être une projection du vieux. Et nous ne pouvons considérer le neuf, créer le neuf, qu'à partir d'une projection du vieux. Nous essayons de comprendre l'actualité, l'instantané, à partir du passé. L'anti-homme, c'est tout ce qui retarde l'humain. L'anti-homme, c'est tout ce qui empêche l'humain de se défoncer. L'anti-homme, c'est l'insécurisant. L'anti-homme, c'est tout ce qui empêche l'humain d'aller chercher du neuf. Mais l'anti-homme, en même temps, peut être, et c'est là du gros danger, celui qui va dire à l'humain, « Ben, c'est ça, t'es l'âge dont ton fou, l'âge dont ta folle. » Le fou, c'est l'ego. La folle avec. Alors, lâcher son fou, c'est libérer le cadre. Le corps, l'astral, le vital et l'ego. Alors, lorsque l'anti-homme, à un moment donné, l'anti-homme va dire, « Ben, effectivement, ça fait 20 ans que tu veux lâcher ton emploi, t'as peur. » Et là, l'humain va se dire, « Tiens, là, mon anti-homme m'a toujours fait peur. Puis aujourd'hui, tiens, je sacre tout cela. » Alors, vous mettrez le mot que vous voudrez, vu que c'est un sacre. « Je sacre tout cela et je lâche. » Sauf que c'est peut-être la seule fois que c'était pas le temps de lâcher. L'anti-homme, pour une fois, elle avait été utile. Non. L'anti-homme, cette fois-ci, va te dire, va dire, « Ah, c'est ça, ça fait 20 ans que tu veux, tiens, vas-y donc. et il s'arrange pour que tu souffres suffisamment pour que l'antilope puisse te dire, tu vois, c'était bien mieux comme c'était avant. Tu t'es réécouté. Et là, l'humain, ben l'humain, qui ne peut pas connaître le neuf encore parce qu'il ne déploie pas suffisamment son ajusteur de pensée, va dire, ben effectivement, qu'est-ce qui m'a pris, qu'est-ce que j'ai fait, c'est ça. Puis finalement, ben là, il est nostalgique, puis il revient dans ses mémoires, puis là, il risque de devenir plus sage. Et comment... Le sage, c'est l'évolution desséchée. Pour différencier ces deux phénomènes-là, parce qu'on peut se faire manipuler exactement, comment on le fait? Si j'ai le goût d'aller au McDonald's, mon ego peut bien m'informer que c'est intelligent aujourd'hui que j'y aille. Fait que je peux me jouer des tours tant aussi longtemps que je le veux. Alors, si on veut une recette pour éliminer l'antium, l'antium, il est là. Qu'est-ce qui arrive? Il arrive premièrement ceci. Je fais une description rapide juste avant de répondre à la question. Intelligence supramentale, elle descend à travers le canal de l'ajusteur de pensée lorsque le canal est déconnecté du canal réincarnationnel. Lorsque l'être humain est en contact avec son canal réincarnationnel, toute forme de savoir qu'il croit neuf, l'imagination, provient quand même du monde de la mort et ça peut être une manipulation d'être contrôle de phénomènes du genre. Lorsque l'ajusteur est déconnecté du canal réincarnationnel, il se déploie dans le plan vital, dans le plan moronciel, et normalement l'être humain passe par une période où il n'a plus de stimulation de la vie. En plus, si le canal réincarnationnel commence à s'étrangler, ce qui arrive lors de la négoïsation, ben, l'humain commence à trouver la vie plate, mais d'une platitude qui n'est pas plate. Pas le goût de rien, pas le goût de se suicider, pas le goût de vivre, pas le goût de gagner de l'argent, pas le goût d'en perdre, pas le goût de... Bon. Puis c'est une phase qui est une espèce de moratoire où on attend. On va savoir si l'individu va être récupéré, si une arme tueuse va le tuer, le suicide, ou s'il va traverser. L'intelligence prémentale descend à travers le mental et elle va travailler le mental de l'humain, faire une mutation pour que le mental finisse par être capable de décoder le langage de l'intelligence pour le recoder dans le langage de l'ego. Donc, pendant un grand laps de temps, on voit, on sait, mais on ne sait pas. Tu as toujours sur le bout d'un neurone, mais voilà. Tu sais qu'il y a de l'énergie, tu sais qu'il y a du savoir, mais tu n'as pas encore un décodeur, un interpréteur. Et l'ajusteur de pensée, lorsqu'il sera suffisamment expérimenté, va maintenant être capable de transformer l'énergie, l'information supramentale, pour que le mental puisse s'en servir. C'est là que l'humain devient supramentalisable et c'est à ce moment donné-là que les humains commencent à m'intéresser. Lorsque cela est fait, nécessairement, il y aura maintenant des messages qui vont descendre jusqu'au niveau de l'ego et qui vont venir briser l'ego. Brisant l'ego, ça brise l'antium. Brisant l'antium, là, on commence à créer le double éthérique. Créant le double éthérique, l'humain va développer une conscience lucide et cette conscience lucide ne gagnera pas le monde de la mort si le corps physique meurt. À partir de ce moment, l'humain est immortel. Je ne parle pas du corps physique, je ne parle pas de vos émotions, je ne parle pas de vos mémoires, je parle de votre conscience. Elle devient immortelle, elle ne regagnera pas le monde de la mort pour aller se fusionner aux agglomérats spirituels. Elle devient immortelle, elle ira dans le double éthérique lorsque le corps physique sera mort, dans le plan moronciel. Elle pourra se réincarner se rappelant ce qu'elle a été. Et si cela se fait suffisamment longtemps pendant le vivant de l'individu, il y aura une fusion entre le double éthérique et le corps physique de l'homme. Cela engendre ce que la spiritualité appelle un corps de lumière. Et notre être humain est un être fusionné qui n'a plus rien à voir avec l'animal humain de la planète Terre. Il n'a plus rien à voir avec l'évolution. Il n'est plus assujetti au karma planétaire. Il est totalement libre. Libre. Avant le corps de lumière, mais disons, entre les deux, là, quelqu'un qui a une bonne partie de double éthérique, qui est formé, peut-être pas complété, est-ce que cet individu-là, cet humain-là, peut encore avoir des parties de monstre? Peut encore avoir des périodes de temps où... Il n'y a plus d'antium lorsque le double éthérique est totalement constitué. Maintenant, ce qui va arriver... C'est ce que j'explique souvent aux séminaristes. Je n'ai pas ici suffisamment de papier pour le faire, mais quand même. Je prends un charbon ardent, je le fous dans ceci, c'est un papier d'aluminium, je mets beaucoup, beaucoup de tranches de papier d'aluminium là-dessus, et ça, c'est l'ego. Lorsque le mental commence à se créer, il est créé par l'ego dans le début, lorsque cela se fait, lentement, l'intelligence pré-mentale vient énergiser le mental. Énergisant le mental, il augmente le potentiel du mental. Et augmentant le potentiel du mental, il augmente la gravité du mental, c'est-à-dire son attraction. Il y a maintenant des parties de l'enveloppe de l'âme, l'ego est au centre, qui commencent à se détacher et qui vont rejoindre le mental. Lentement, le mental devient de plus en plus gros. Plus le mental est enveloppé, plus il se refroidit. Parce que le chardon ardent que j'ai enveloppé d'un paquet de couches d'aluminium, si je lui touche, il n'est pas trop chaud. Lorsque le mental devient un peu trop entouré, il commence à être refroidi. Lorsqu'il est refroidi, l'ego, ici l'âme, devient un peu plus chaude. Et elle reprend le dessus. Reprenant le dessus, elle accumule de l'expérience. L'expérience, c'est des papiers, des feuilles. Reprenant de l'expérience, elle se refroidit. Le mental reprend le dessus. C'est pourquoi l'humain s'en va comme ça dans son évolution. Mais, étant donné que maintenant, il y a un contact avec l'ajusteur de pensée, ce qui est faisable, Hein? Il y a des... Bon, c'est facile. Je peux connecter facilement un individu. Je peux déconnecter son ajusteur de pensée, son canal réincarnationnel, puis le brancher dans le plan moroncier au minimum. Lorsque l'énergie vient maintenant énergiser le mental qui se refroidit lorsqu'il puise dans l'ego, est réchauffé par le contact supramental. Donc, même s'il grossit, le mental continue à se réchauffer. Se réchauffant, il l'attire et il développe de plus en plus de charbon. Le charbon, c'est le centre même de l'anti-homme. Mais nous avons une âme pas trop pire, qui peut aller. Mais plus on évolue, plus on vient en maudit, plus on devient irritable, plus on devient influençable du point de vue de la colère, plus on devient impatient. Mais c'est simplement que l'anti-homme, ici, on le développe. Alors, le développeur, parce qu'on vient grossir le mental, le développeur, c'est de plus en plus chaud. Et c'est une question d'énergisation. Donc, plus c'est chaud, plus c'est puissant. Alors, ça manipule de plus en plus le corps physique. C'est pourquoi beaucoup de personnes qui se conscientisent deviennent malades et ils font des conneries. L'anti-homme devient puissant, puissant, puissant, puis on développe, jusqu'au jour où on se ramassera avec un anti-homme qui n'est plus développable. Et ça, c'est le cœur même de l'ego, ce que les êtres humains appellent Satan. Ce phénomène ici qui habite l'humain, l'enveloppe humaine est un phénomène luciférien. Ce phénomène au centre est un phénomène extrêmement dangereux qui est beaucoup plus dangereux que ce qu'Adolf Hitler a fait ou ce que tous les anciens ont fait. Mais il n'y a jamais eu d'humain, à part une fois le Nazaréen, qui, le Nazaréen, a tellement décortiqué son âme que cette partie anti-homme-là ici a été éjectée. Et étant éjectée, eh bien, Satan a eu une forme de libération. Depuis ce temps-là, c'est plus problématique, l'évolution. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Évidemment, le Nazaréen, par la suite, a réattaqué son anti-homme et il en aura digéré une grande partie. Lorsque l'humain a son anti-homme, il va voir de quelle façon on peut travailler déjà pour le faire chier. C'est son tour. Lorsque l'anti-homme est suffisamment... Lorsqu'on s'est suffisamment anégoïsé par la mentalisation, on en arrive à un point où l'anti-homme va tout faire pour se relier à des âmes tueuses. Et ces âmes tueuses vont tout faire pour tuer ton corps physique, c'est-à-dire t'amener au suicide. Et quand je parle de suicide, je parle d'un individu qui est sur le bord d'un balcon, qui regarde en bas. Il ne pense pas se suicider. Puis à un moment donné, ben, il regarde, puis c'est presque plaisant, puis il se suicide. Il ne sait pas pourquoi. C'est pas prévu, c'est pas planifié. Non, tu es devant la rame de métro, tu attends, puis à un moment donné, elle s'en vient, puis subitement, ben, elle arrive, et tu es devant. Et tu es mort. Ou tu traînes en dessous. Bon. Alors, c'est le phénomène de l'anti-homme. Mais si le mental est suffisamment énergisé par de l'intelligence supramentale, et plus les temps vont avancer, plus c'est ce qui va arriver. Parce que plus il y en a qui passent, plus c'est facile à ceux qui suivent de passer. Alors, il va arriver que l'anti-homme va être rejeté. Alors là, on aura le double anti-homme qui va apparaître devant l'humain. Rejeté... Il va aller où quand il va être rejeté? Bon, la conscience spirituelle de l'homme aura de la difficulté à comprendre l'idée, c'est que l'être humain va développer suffisamment dans cette anégoïsation, son troisième œil, qu'il va avoir la capacité de voir les phénomènes auriques, donc l'aura, et à un moment donné, il verra simplement sortir de lui un double, personnalisant son corps physique, d'une couleur très intéressante qui va du rouge sale au bleu sale, dépendant des anti-hommes, et il verra simplement un phénomène ressemblant à lui qui va apparaître devant lui. Et là, il y aura rejet de l'anti-homme. Ça peut se faire. J'ai travaillé avec des individus où on a fait quelque chose qui a rejeté les anti-hommes des quatre personnages présents là. Sauf que les individus doivent par la suite rester totalement éveillés, ne pas dormir, jusqu'à temps qu'ils aient cellularisé le rejet de l'anti-homme. Sinon, celui-ci va revenir graduellement et finalement l'individu a été, mais n'est plus. Cet anti-homme, il va être rejeté. Dans les temps qui viennent, on va en reparler au mois de juillet, dans les temps qui viennent, il y aura beaucoup d'anti-hommes dans les 5, 6, 10, 15, 20, 30 ans, années à venir. Il y aura beaucoup d'anti-hommes qui vont être rejetés, mais l'individu n'aura pas la capacité de contrer, c'est-à-dire de détruire l'anti-homme pour se servir de l'énergie constituant l'anti-homme, le double anti-homme, pour finaliser son double éthérique. Alors ces anti-hommes, ces double anti-hommes vont se réunir et c'est ce qui va engendrer ce que l'Apocalypse parle à un moment donné au niveau des forces de la bête, ces choses-là. Je ne parle pas de l'Antéchrist qui est déjà présent, mais je parle des forces de la bête. Et cela va engendrer une recrudescence de forces extrêmement puissantes dans l'involution. Maintenant, donc... Le bien, si on peut appeler ça comme ça, le bien et le mal vont être de plus en plus puissants, chacun de leur côté. Oui, et ce que nous devons faire, nous, en tant que conscientisés, nous devons abandonner le bien et le mal dans leur apocalypse, parce que c'est l'apocalypse des animaux humains, c'est l'apocalypse des autres. Ce n'est pas la nôtre. Dans ton explication tantôt de l'ego du cœur central avec le papier d'aluminium, ce qui partait d'un côté pour s'en aller autour du mental, c'était les mémoires? C'est de l'énergie. Mais est-ce que c'est les mémoires qui ont formé cette énergie-là? Non, c'est de l'énergie qui a été densifiée, structurée en mémoire. Elles s'en vont, les mémoires émotives deviennent de l'énergie, la mémoire de l'expérience, la mémoire événementielle, va rejoindre le mental, il se repoussit en énergie, ça devient un mental qui n'a plus besoin de l'expérience astralisée de l'ego. Donc, ce n'est pas de la mémoire. C'est comme une pomme, c'est de l'énergie. Si tu manges la pomme, tu la transmets en énergie. Finalement, ce n'est pas la pomme qui reste, c'est l'énergie, c'est ce qui constituait la pomme. Alors, la mémoire astrale, c'est la même chose. Donc, l'émotion, c'est de l'énergie. Absolument. Après que tu l'as épuisée, que tu l'as transférée, elle peut être exprimée en sécrétion endocrinienne et en transpiration astrale, elle peut aussi être reformée en mental. Est-ce que ça veut dire que toutes les émotions qu'on vit nous grugent de l'énergie ou absolument. Nous en forment? Absolument. Pas même à toute forme d'émotion exprimée tue le corps physique, le vieillit, l'épuise, épuise le corps vital, nourrit l'ego, nourrit l'anti-homme, nourrit le monde de la mort, nourrit les dieux. Et dans les dieux, évidemment, il y a Dieu, il y a aussi les dieux qui sont des phénomènes diaboliques et les phénomènes spirituels. L'émotion, c'est l'astralisation totale de l'humain aux forces d'involution. Dans les techniques pour chasser l'anti-homme, est-ce qu'une des premières ou les plus faciles, ou les plus concrétisables, ce serait d'arrêter d'avoir des émotions? Ah ben non. Ça serait parler pour rien dire. Pourquoi? Parce que l'humain doit travailler sur l'anégoïsation et en effet secondaire, il y aura lentement l'animotivisation, donc il y aura lentement une diminution du phénomène sécrétatif émotif. Mais l'humain ne peut pas travailler sur l'empêchement de vivre une émotion. Parce qu'il y a l'expression endoformique biologique de l'émotion. Quand tu as peur, tu as une face, mais en même temps, tu peux avoir peur et ne pas le paraître, mais le cœur physique accélère, le système péristaltique intestinal change, il y a un paquet de sécrétions endocriniennes qui vont se faire quand même. Mais dans une conférence précédente, tu mentionnais qu'on peut avoir une technique de respiration qui fait en sorte qu'on arrête. On ne contrôle pas l'émotion, on contrôle la respiration. Ce que je te dis, c'est qu'on ne peut pas contrôler le phénomène émotif. On contrôle la respiration, mais ça arrête d'avoir. On arrête de sécréter. On bloque par mécanique réflexe le contact entre l'âme et le phénomène hypothalamien, donc le phénomène de la communication endocrinienne avec le corps physique. On ne contrôle pas l'émotion. On joue, on manipule. OK, parce qu'on manipule, appelle-le comme tu voudras. Si on contrôle la respiration, est-ce qu'on chasse, est-ce qu'on aide à chasser l'anti-homme? Non. Pour chasser l'anti-homme, il faut lui parler. Et c'est ce que les individus ont le plus de difficultés à faire. Pendant l'involution, ce qui crée l'anti-homme, que l'anti-homme appelle l'homme, et que l'anti-homme appelle l'être humain, et que l'être humain appelle l'animal humain, pendant l'évolution, le phénomène de l'antihomme, pendant la création de l'antihomme, il y a accumulation de suffisamment d'énergie pour servir de réacteur pour propulser la conscience de l'humain au dehors du phénomène planétaire, tout en conservant de l'expérience énergétique, c'est-à-dire la possibilité de travailler avec la matière, ce qui est d'ailleurs le rôle de l'effusion de l'homme, transformer la matière en lumière. Maintenant, pour que cela se fasse convenablement, l'humain doit apprendre à se parler. Pendant l'involution, l'anti-homme a passé toute sa phase d'involution, disons sa vie, à rechercher le salut, à rechercher un Dieu. Ce Dieu, il le recherche toujours en haut. Ce Dieu s'appelle le mental qui sera supramentalisé, donc intelligencé, donc christifié. Maintenant, étant donné que l'anti-homme a monopolisé totalement la conscience de Dieu de l'homme, ainsi que sa présence sur la planète, donc il a monopolisé le corps physique, le corps vital, le corps astral, le corps mental, et finalement même les dieux, c'est mon Dieu. Étant donné que l'anti-homme a tout monopolisé cela, et cela c'est tout simplement une photographie très manquée de la réalité, monopolisant cela, il est convaincu que le salut va donc doit devenir de l'extérieur de cela. Alors qu'en réalité, il a monopolisé le mental alors que le mental n'existait pas. C'était de l'intellect. Monopolisant le mental, selon lui, lorsque le mental commence à lui amener de l'information salvatrice, il le rejette. Il se dit, c'est lui. Alors qu'est-ce que je suis moi pour cela? L'humain, pour travailler avec l'anti-homme, doit instruire l'ego. Il doit devenir le Dieu de ce qu'il a toujours cherché. Autrement dit, chaque être humain doit devenir le dieu de l'animal humain avec qui il cohabite dans le même corps. Maintenant, lui parler, donc l'instruire, ne veut pas dire l'instruire comme tous les parents ont instruit leurs enfants. Et c'est là la problématique. C'est que de père et mère, de parent en enfant, on communique une instruction divinisée, une instruction spirituelle, une instruction morale, où on ne donne jamais de raison intelligente, où on essaie toujours de raisonner en ce sens que vu que moi je le pense, tu devrais le penser. Dans le genre, ça se fait pas ceci, c'est pas comme ça qu'on fait ça, t'as bien l'air d'un cochon, tu vois pas que t'es niaiseux. Mais l'anti-homme ne peut pas être raisonné comme ça parce que premièrement, il sait qu'il est niaiseux, il sait qu'il ne l'est pas, tout est complexe, il habite. C'est pourquoi il voudra se prouver complexe d'infériorité. C'est pourquoi il le traque complexe d'infériorité. C'est pourquoi, en tout cas, on va laisser faire la psychologie. Donc, nous devons, nous, les consciences, l'intelligence qui habite, l'esprit qui habite chaque individu, communiquer avec l'anti-homme. Et comment on l'appelle, l'anti-homme? Mon nom d'anti-homme est Daniel. C'est le nom que les parents m'ont donné. Maintenant, pour simplifier la tâche de mon anti-homme, je ne peux pas lui donner mon nom, mon vrai nom, c'est-à-dire le nom de l'intelligence. Le nom de forme orale nommé, qui vibre le mieux avec l'intelligence que je suis. Alors, je vais aussi m'appeler, moi, l'intelligence, Daniel. Et nous serons donc deux Daniel. Mais c'est la nuance qu'on doit faire parce que l'anti-homme refusera que Monique, ce soit lui, et qu'il y ait Verschère en haut. Et que là, Monique doit dire « Hey, Verschère, comment on s'en sort, elle est perdue? » Le Verschère va dire « Calme-toi, Monique, ça va long. » L'anti-homme va trop avoir l'impression de jouer. Et je le dis souvent, pendant des millions d'années, l'humain a joué qu'il était. Maintenant qu'il devient, il continue à penser qu'il joue. C'est ça le maudit problème. Alors, on va conserver nos mêmes prénoms pour l'instant. Et qu'est-ce que je fais? Je me promène dans cette montagne, je me promène sur ce parc. Et à un moment donné, j'ai le goût de regarder ma montre. Et je me dis « Non, je ne regarde pas ma montre. » Et là, j'ai une angoisse, une inhibition. Je dois regarder ma montre. Je dois savoir quelle heure il est. Je dois savoir s'il est l'heure de m'inquiéter, s'il est l'heure de manger, s'il est l'heure de rentrer. S'il est l'heure d'être l'esclave. Et moi, j'ai dit non, je ne la regarde pas. Et là, si je fais l'effort, je vais immédiatement sentir des contraintes biologiques. L'âme s'exprime par le système endocrinien et veut créer un malaise qui va venir rendre malaisé l'âme. Donc l'âme veut se synergiser dans le malaise pour modifier suffisamment le corps physique pour que le mental puisse plus communiquer. Quand on va me sentir assez... Bon, ça fait assez longtemps, là, je vais la regarder. Bon, je veux fumer. Non, tiens, je vais attendre 5 minutes. Bon, l'âme s'arrange en maudit pour que le corps physique souffre suffisamment, pour que l'âme souffre suffisamment pour prendre le contrôle, pour finir partie, ça fait assez longtemps. Maintenant, je fais quoi? Je veux regarder ma montre. Non, je ne regarde pas ma montre. Et là, ça me tracasse. Alors, je dois maintenant parler. Daniel, couché. Bon, je lui dis ce que je veux, mais je ne regarde pas la montre. Tu dois apprendre à écouter. Bon, ça se fait pas t'es niaiseux, si c'est ça. Non, tu dois apprendre à écouter, merde, c'est moi le maître. Je suis le dieu de mon ego, de mon anti-homme, mais je suis surtout le maître contrôleur de ma vie. Et je ne parle pas de la vie de l'anti-homme. Tu vas écouter. Et là, ça continue à tripoter. Ce que vous devez savoir, et ce que vous devez faire, c'est qu'à l'instant où on a décidé quelque chose, notre anti-homme ne sera pas là tant qu'il n'aura pas cessé de me manipuler pour savoir l'heure. Oui, oh, mais il peut faire semblant qu'il arrête de te manipuler. Je m'en fous, parce que moi, je vais tirer les semblants. Et comme l'ego est un phénomène expérientiel, mémoriel, programmatif, plus il va s'habituer à faire semblant, plus ça va être naturel pour lui de me laisser gagner. Je deviens de plus en plus mon seul maître, et je serai mon seul maître. Mais là, l'ego, il tripote encore, il fonctionne. Par exemple, l'exemple d'une personne qui a une grande gueule. Toujours en train de parler. Bon. Par exemple. Il y en a, là, oui. Bon. C'est la même chose. Revenons à la montre. Bon. Quelle heure, là? C'est très simple. Je fais une initiation. Moi, j'invite quelqu'un dans les bureaux et la personne me dit j'aimerais faire partie du groupe des chefs. C'est-à-dire, c'est un groupe de personnages qui travaillent plus intensément pour devenir leur seul maître. Fait qui, de temps en temps, peuvent aussi être formés pour donner des cours. Alors, moi, je lui dis simplement c'est simple, tu viens puis tu rentres dans la pièce ici. Là, tu me regardes dans les yeux, je te parle, parfait. En arrière de toi, il y a une porte, je veux pas que tu regardes une seule fois en haut de la porte. Et puis, je veux pas non plus que tu regardes sur le coin de la table là-bas. Et puis, tu t'attends, puis à un moment donné, on viendra te chercher. L'anti-homme, qu'est-ce qu'il fait, l'anti-homme? La porte en arrière, T'as beau vouloir, est-ce que tu voudras, il y a un coin de table, où tu te gardes. Et puis nous autres, on si tu le regardes, on est caché, il y a des individus qui sont capables de voir, et puis c'est facile de savoir si tu regardes là, si tu regardes là, on ne veut même pas t'avoir. Bon, pas comme professeur, parce qu'un celui qui enseigne doit au minimum être supérieur à ceux à qui il va enseigner. Hein? Bon, puis ceux qui viennent, ils servent à quoi? Ils servent à donner des pieds en cul à celui qui est en haut. Parce que plus tu montes ceux-là, plus il faut que tu te montes. Alors l'individu, ben l'individu, il doit lutter contre son antium, c'est juste ça qu'il fait. Ta montre, c'est la même chose. Et qu'est-ce que le Nazaréen m'en donnait de sortie? Ne nous soumets pas à la tentation. Alors, tu te dis, tiens, ma montre, tu veux absolument avoir la montre. Eh bien, si tu continues à vouloir regarder la montre, je la laisse dans le bois, la montre. Alors, l'antihomme va peut-être vouloir... Je dis, bon, ben, je suis dans mon amour, il y a moins de mes yeux. Qu'est-ce qui est important? Vous ou votre montre? Pas les deux. L'imbécile répond les deux. Ce n'est pas la montre, c'est vous, parce que dans 20 ans, dans 30 ans ou dans 2000 ans, la montre ne sera pas là. Et c'est ça que l'humain doit apprendre à faire. L'humain va dire, oui, mais là, j'ai tout jeté. Ça, c'est l'antihomme qui te niaisait. Moi, je n'ai pas tout jeté. Moi, je dis pas, tiens, parfait, poubelle. Non, non, non. Je vais la jeter si tu continues à me hanter. Mais mon maudit antihomme, je dois le planter. Pourquoi ne suis-je pas capable de décider quand je veux regarder l'or et je dois absolument être manipulé par le corps physique, par une tracasserie, par une pensée qui est... Et vous me faire regarder là. C'est ça ma vie. Ça, c'est le monstre. C'est l'antihomme. Mais ma montre, je la laisse, ma montre. Je la mets quelque part. Je sais où elle est. Je vais pas assez la prendre. Et là, je m'en vais, puis l'antihomme, il me dit, bon, peut-être qu'il est là, quand tu repasses prendre ta montre. Là, il y a des chances que je vais lui dire, mon petit Daniel, si tu continues à me niaiser, je vais la lancer dans le bois, les yeux fermés, la montre. Puis avant, je m'en rachète une autre. Ou encore, tiens, je la lance, c'est pas le vaut trop cher. Le Baxter rachète une autre. Oui, justement, si c'est bien. Je la lance, c'est pas le vaut trop cher. Parfait. Viens-t'en, mon petit. Tu veux voir là? Tiens, regarde-la, là. Il est ça, là. Dernière fois que je me demande, par exemple. Je l'ai pas lancé. Je le remets à mon bras, il l'a vu, là. Il voulait me tracasser, ça y est. T'es tracassé. C'est bon, parfait, le petit gars. Moi, je ne suis pas tracassé tant que je lui parle. Bon. Ah! Là, tu l'as l'emploi, là, tu sais, t'as peut-être arrivé, Ah, bon, ça y est, tu peux te tracasser avec l'emploi. Tracasse-toi, mon petit cave. Le cave, c'est le corps, l'astral, le vital et l'ego. Et maintenant, je rentre à la maison, ma montre. Ah, là, l'ancien, il veut pas que je la mette dans le tiroir à jamais. Il veut pas que... Là, je dois encore... C'est simple, savoir c'est quoi l'ancien. C'est simple. Faites ce que vous voulez faire. S'il n'y a pas de sécrétion de criniel, c'est le mental. Si c'est astralisé, ben l'astral est en train de perdre, parce que si elle ne sécrète pas, elle se tue, elle se meurt. Alors je m'en fous que ce soit l'ego. Oui, mais si l'ego joue le jeu du mental, puis qu'il ne sécrète plus, ben il vient de perdre. Il vient de perdre la guerre totalement, mon évolution vient de finir là. Alors qu'il joue, je m'en fous. Mais moi, je vais prendre la montre, je vais la serrer, je vais prendre quelque chose qui me nuit, qui m'embête. Je, mentalement, dois être mon seul maître. Le monstre, c'est tout le reste. Là, je m'ennuie, un soir. Je suis assis, puis je m'ennuie. Alors, je dois lui parler. Je ne m'ennuie pas. Vous êtes suffisamment intéressant pour vous intéresser. Moi, je n'ai jamais besoin de personne pour me désennuyer, je ne m'ennuie pas. Si tu t'ennuies chez vous, je ne t'inviterai pas, voyons donc. Ok, ça me baisse en vibration, voyons donc. C'est assez plate que tu t'ennuies. Avec moi, c'est encore bien pire. Alors, moi, je suis suffisamment intéressant que je ne m'ennuie pas. C'est pas de l'orgueil. C'est un fait. Bon. Maintenant, mon ego commence, lui, à trouver qu'il n'y a rien de bon à la télévision, puis que c'est ici, puis que c'est ça. Ah bon, là, maintenant, je m'assois, et maintenant, j'évolue. C'est le temps, vous l'avez, Dieu, vous l'avez trouvé. Bon, parfait, Dieu, à domicile. C'est ennui, qu'est-ce qui se passe? Posez-vous là la question. Oralement, c'est mieux. Fais attention à qui t'écoute. Oui. Quand même. Tu peux te ramasser en prison. Ouais, dans des certaines institutions. Faites comme moi, parlez au téléphone. Ouais, c'est la meilleure chose. Si tu mets ton téléphone, tu parles à Daniel, ouais, c'est effectivement. Vous l'appellerez Daniel, l'autre. Si vous avez des affaires de fou, ils vont. Et maintenant, je lui parle. Pourquoi tu t'ennuies? Ah, c'est plate. Ouais, c'est plate. C'est pas parce qu'une chose est plate qu'elle est ennuyante. Et continue à lui parler. Qu'est-ce que tu voudrais? Changer le monde! Changer quelque chose, avoir un carnet! Mais t'en auras pas de carnet! Mais c'est encore plus plat! Mais observez la saveur qui vous habite. C'est de moins en moins plat. Parce que votre mental s'énergise. Le mental s'énergisant. L'ennui n'existe pas. Ça existe quand l'âme, qui ne vit que d'expérience pour se nourrir, ne se nourrit plus. Mais est-ce qu'il faut l'ostiner juste pour l'ostiner ou... On l'obstine pas, on l'instruit. Ouais, mais si elle a le goût de manger un cornet, puis moi aussi. Allez, mange un cornet! Y a aucun problème. Et de temps en temps, c'est ce que je dis souvent aux séminaristes. Justement. Oui, mais là, ça fait 3 mois, là, que je n'ai pas mangé de cornet, là. Je peux-tu asseoir? Ah, ben oui, tu peux asseoir. Viens, on va aller manger un cornet ensemble. Dieu est bon pour toi. Plus tu n'as pas mangé un cornet. Tu vois, je suis direct, oui. T'achètes un cornet? Un cornet? Chacun un ou un à deux? Ouais, en deux boules. En deux boules. Et puis tu reviens chez vous, puis là tu lui dis, tu vois, tu l'as eu ton cornet. Mais faites attention à une chose. C'est qu'une fois que vous aurez mangé un cornet, le salaud va en profiter pour s'énergiser. Puis demain il va vouloir un cornet. Ça va être bien plus difficile de l'interdire que hier. Alors c'est pourquoi on doit faire énormément attention. On peut donner des petites choses à la gentille. Mais il est temps que l'humain prenne le contrôle total du monde. Vous n'avez pas le choix. C'est plus fort que vous. Mais attachez-vous après le mort. Et n'écoutez pas les sirènes. Pour ceux qui ne comprennent pas, il faut fouiller dans les liens des l'Odyssée d'Ulysse. Mais c'est continuellement notre pensée, ou la pensée qui vient nous envahir, qui nous manipule, c'est partie de l'antihomme. C'est nos mémoires, nos traditions, c'est nos peurs, c'est nos angoisses. L'alcoolique, il a tout ce qu'il faut pour évoluer rapidement. Il a besoin d'aller voir, il est dans les nuages, et puis là, il doit se dire, je t'en parle, non, je ne prends pas. Puis là, il dit, je suis trop faible, j'en veux pas, je suis trop faible, maintenant, l'ego, l'anti-homme travaille sur les muscles, le mental travaille sur l'autre muscle, puis à un moment donné, c'est à deux mains, puis là, ça s'en va. Mais vous devez souffrir l'ego. Non! Là, ça va être... Oui! Non! Et on a des humains qui battent, qui se battent contre un anti-homme, qui vont lutter pour s'en sortir, et puis à un moment donné, ils boivent pareil pour oublier qu'ils boivent. Et là, ils culpabilisent. On n'a pas à se culpabiliser. Le temps que vous l'avez fait chier, le temps que vous avez gagné. Et puis à un moment donné, on doit aller chercher les ressources énergétiques pour cesser de se faire charrier. On doit aller chercher l'énergie là où elle est. Si un individu est capable...